Le soir même, Barbicane et ses compagnons rentraient à Tampa Town. 8 jours après, Murchison avait réuni 1500 travailleurs. Le 31 octobre, à 10h du matin, cette troupe débarqua sur les quais du Tampa Town. Pendant les premiers jours, on s'occupa de décharger l'outillage apporté par la flottille. En même temps, Barbicane tentait les premiers jalons d'un railway long de 15 milles destiné à relier Stones Hill à Tampa Town. Le chemin de Tampa Town à Stones Hill ne fut qu'une simple bagatelle et ne demanda ni grand temps ni grand argent pour s'établir. Le creusement put être entrepris dès le 4 novembre. Et à 8h du matin, le premier coup de pioche fut donné dans le sol floridien. Les ouvriers se relayaient par quart, de jour comme de nuit. Cependant, les travaux avançaient régulièrement. Des grues à vapeur activaient l'enlèvement des matériaux. Pendant les 8 mois de forage, Barbicane ne quitta pas un instant Stone Hill. Tout en suivant de près les opérations du forage, il s'inquiétait incessamment du bien-être et de la santé de ses travailleurs. Il fut assez heureux pour éviter ces épidémies communes aux grandes agglomérations d'hommes et de sites désastreuses dans ces régions du globe exposées à toutes les influences tropicales. Plusieurs ouvriers, il est vrai, payèrent de leur vie les imprudences inhérentes à ces dangereux travaux. Mais ces déplorables malheurs sont impossibles à éviter et ce sont des détails dont les Américains se préoccupent assez peu. Ils ont plus de soucis de l'humanité en général que de l'individu en particulier. Cependant, Barbicane professait les principes contraires et les appliquait en toute occasion. Aussi, grâce à ses soins, à son intelligence, à son utile intervention dans les cas difficiles, à sa prodigieuse humaine sagacité, la moyenne des catastrophes ne dépassa pas celle des pays d'outre-mer cités pour leur luxe de précaution.